Il est des cœurs qui nient les miracles au fait. Au soir tombant, il pleure l'aube claire. Et s'éveillant à l'heure des astres amers, insensible au bonheur qui renaît éphémère, il est des feux pour de vastes domaines, pouvoir et compte aux îles caïmans lointains. Devant les fous, ils jouent leur scène vaine, innocents mais rongés d'un mal incertain. Il est des âmes qui rêvent les grands signes, voir les mers s'ouvrir sous un geste divin, ou réveiller les morts par des paroles ainsi. Les hasards les laissent, leur espoir chagrin. Il est des pas qui s'affirment et persistent dans l'essence des roses, leur soif velours. Dans un vent doux qui caresse et qui insiste, ou dans l'aurore obscure, aux vagues contours. Mais pour trouver mon abri, mon doux refuge, il me suffit de te voir à mes côtés. Incapable de voler la moindre fortune, veillant sur ce dont notre toit abonde, avançant sans hâte vers notre lune. Sentiers jamais.